Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour ce deuxième épisode de la saison 2 de French Big Ballers. Ce soir, je suis pour changer avec Nas et Adrien. Comment est-ce que vous allez les gars? Écoute, moi ça va très très bien. Je prends un petit peu de temps sur mon temps de loisir Red Dead Redemption pour venir enregistrer ce podcast ce soir. Mais tout va bien pour moi. Pas trop impatient de voir Pareil. Carmelo débarquer à Los Angeles? Écoute, on en parlera un peu plus tard, mais c'est un sujet un peu délicat pour moi. Adrien, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va, pareil, bonne semaine, bonne dynamique, et bientôt en déplacement à Paris à partir de demain matin. Est-ce qu'on commence par parler justement des nouveautés, des actualités de la franchise, vu qu'on a vu débarquer depuis trois matchs un nouveau pivot, messieurs? Qui c'est qui veut en parler? Bah rapidement, ouais, Tyson Chandler du coup, qui s'est fait wave, enfin plutôt coupé. Par les Suns et que du coup on récupère sur un contrat vraiment vétéran, non, c'est ça? Ouais, c'est Oui, c'est ça, ça, oui. ouais, sur un contrat vétéran et qui est finalement on était un peu, je pense, un peu tous sceptiques, mais bon, on s'était dit de toute façon ça pourrait pas être, ça aurait pas vraiment pu être pire que ce qu'on avait déjà. C'est-à-dire aucune véritable assise en remplacement de Maggie et voilà. Moi, il y a un truc dans cette affaire, Tyson Chandler, c'est une rumeur qui est sortie sur les sites US, et que c'était vraiment un coup de LeBron James, et une fleur, en fait, qu'aurait fait le GM intérimaire des Suns à LeBron, qui a dit, tu le coupes tout de suite, on en a besoin tout de suite aux Lakers, alors tu le fais. Moi, je trouve ça étonnant si c'est avéré, maintenant Ah ouais, c'est ouais, ça. que LeBron James autorise ce type de faveur dans la ligue, parce que c'est vrai, rien n'aurait empêché les Suns de le garder pour qu'il fasse un petit peu de mentoring de Ayton jusqu'en février et gratter, soit de faire un buyout à ce moment-là en février, soit de gratter un petit truc par trade grâce à son contrat expirant. Donc, bon coup pour nous. Ouais, bon Même coup pour nous, si franchement. au début, quand je vois la signature, je dis ok, c'est bien, c'est un pivot vétéran, on a besoin peut-être un peu d'expérience dans le roster, mais c'est encore un pivot qui a le même profil que Maggie et Zubac. On n'a toujours pas recruté ce 5 qui est capable d'être un peu efficace en défense au périmètre, plus mobile. On n'a toujours pas ça, même si au final, pour l'instant, il s'avère que c'est une très très très très bonne surprise. Ouais, c'est vrai. Donc c'était moi qui avais tweeté sur la signature de Chandler, notamment en rappelant qu'on n'était plus en 2011 et que la période où le mec contrait à tout va et diriger toute sa défense, c'était un peu révolu. Toutes les stats de ces dernières saisons, c'était pas fameux au niveau de protection de cercle, je parle. Et finalement, sur ces trois matchs, il semble avoir remis cette sortie les doigts, comme on dit, et remis un peu d'ordre dans sa défense. Donc c'est tout bonus pour nous. Pareil, au niveau des rumeurs, il y a un coach sous l'anonymat qui a dit que finalement, même s'il est âgé, il faut pas prendre ces années aux Suns comme des années qui l'auront beaucoup, Fatigué, ouais, c'est ça, fatigué, usé usé. physiquement. Parce que peut-être qu'il n'a pas branlé grand-chose aux Suns, mais c'est pas du tout ce Tyson Chandler-là qu'on voit pour l'instant. Hyper motivé, il fait des hustle plays de fou. Donc soit il est vraiment content de revenir dans sa ville, dans sa région, soit ouais, il a fait un petit coup de trave aux Suns, mais bon, ça ne me déplaît pas qu'il ait fait ça aux Suns. Non, ouais, puis de ce qu'avait l'air de dire celui qui gère le compte des Suns français, il avait l'air de dire qu'en fait c'était simplement une lassitude en fait visiblement des deux côtés. Lui semblait lassé en fait de la franchise. On peut pas trop lui en vouloir, hein, c'est entre nous. Non. Et ça semblait être pareil de l'autre côté. Donc, tout bénef pour nous. Hein. J'en place une petite, n'hésitez pas à aller suivre @sunsfr sur Twitter. Ouais, meilleur compte Peut-être, français voilà, c'est ça. probablement. Peut-être le meilleur Sincèrement. compte français qui parle de NBA. Est-ce qu'on s'arrête là au niveau des recrutements ou est-ce qu'on va chercher Carmelo Anthony, Nas? Ah, les sujets qui fâchent tout de suite. Mélo, et ben déjà j'aimerais embrayer ce sujet. Bon, on va pas y passer non plus 4 heures parce que la conclusion elle est déjà toute faite, c'est non. Mais si on pouvait, ouais, mettre un peu en relief un peu tout ça. Donc sachez que Melo n'a pas joué cette nuit pour Houston et Harden et Chris Paul, qui étaient tous les deux en énorme délicatesse avec leur shoot, en particulier Chris Paul, ont signé des stats de malade. Harden qui sort 40 points avec des pourcentages de bâtard. Chris Paul, pareil, qui finit à un 5 sur 7, je crois, à 3 points, ou dans ces eaux-là, en termes du pourcentage. Bref, je sais pas si c'est une coïncidence, mais il suffit que Melo soit pas là pour que les deux se mettent à tirer correctement. Je sais pas. D'un autre côté, Chris Paul, je sais pas si lui aussi, une mauvaise foi ou pas, mais il avait l'air de dire en interview que selon lui, c'était entre guillemets un peu bizarre ce qui arrivait à Melo, etc. On saura jamais vraiment le fin mot de l'histoire. Tout ce que je sais, tout ce que je veux, c'est que je veux pas qu'il approche Los Angeles. À la rigueur, s'il va aller aux Clippers, tant mieux pour lui, mais qu'il n'approche pas voilà, le Staples Center, s'il vous plaît. Ouais, surtout que, comme je le disais tout à l'heure dans une conversation entre nous, on en chie déjà à utiliser Mike Beasley qui était, ça va faire super mal ce que je vais dire, mais l'année dernière, Mike Beasley était beaucoup plus efficace offensivement que Melo. Absolument. Et en défense, c'est catastrophique. Donc, et quand tu vois qu'on n'arrive toujours pas à l'utiliser sur le faible temps de jeu qu'on lui a filé, moi je vois pas l'intérêt d'aller chercher Melo juste pour signer Melo, quoi. Il a un temps de jeu, Beasley? Non, combien, 3 minutes, non, en tout, je sais pas combien. Ça, il est même pas dans la rotation. Donc ça... Non, mais il y a la queue, c'est sûr qu'il y a la queue chez nous en plus. Mais le problème, c'est que tu signes un Carmelo Anthony, il va pas vouloir que tu lui fasses jouer les miettes qu'on n'a même pas donné justement à Beasley. Mais voilà, Melo, c'est un joueur, il va demander des minutes, il va demander des tickets de shoot. On en a déjà, je pense, pas beaucoup, pas assez à donner à certains joueurs qui devraient en tirer plus. Donc, si c'est pour les donner à Melo, quand tu vois ce qu'il a fait sur le contenu à hockey ici, ce qu'il a fait, à Houston, mais c'est vrai que sur Houston, pas vraiment trop être critique parce qu'ils étaient tous nuls. Mais bon, même à New York sur la fin, c'était pas terrible non plus. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein, Carmelo Anthony. D'ailleurs, je pense que Clément, tu m'as parlé de lui en premier parce que c'est un joueur que je kiffe. C'est probablement l'un des joueurs que j'aime le plus dans l'histoire de la NBA, d'ailleurs, avec Iverson, Kobe, etc. J'ai grandi avec ce mec, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, avec son niveau, j'ai pas envie de le voir dans la tunique pour Préor. C'est pas possible. Violateur, quand même. On remarque un duo, Lance Stephenson, Carmelo Anthony en sortie de banc, ça doit être propre à voir, putain, je pense. Ouais. Putain. Beaucoup de spacing, beaucoup et pas beaucoup d'isolation. Alors j'avoue que j'ai pas regardé ce que ça donnait dans le contenu Melo aux Rockets. Donc je sais pas si Mike D'Antoni a réussi sur son deuxième essai avec Melo d'un peu le transformer et d'en faire un profil plus off-ball et surtout dans le catch and shoot. Donc j'ai pas vu ça. Je parle sous contrôle de ceux qui regardent les matchs des Rockets. Mais si Mike D'Antoni n'a pas réussi à faire ça avec Melo, alors imaginez Luke Walton. Non, mais c'est sûr. T'as le coach le plus dogmatique sur le rôle à fixer à certains joueurs, et si lui, il n'arrive pas à transformer Melo, ce Melo-là, dans cette situation contractuelle-là, avec ce statut-là, qu'est-ce qu'il va faire Walton avec lui? Et donc, tu viens de dresser une sorte de vision d'horreur ultime de notre jeu avec une staticité ultime, avec quoi? Stephenson, Rondo et Melo dans la même rotation. Non, non, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Non, mais en plus, on peut pas faire ça. Et puis, je souligne aussi un point que tu as soulevé. C'est, il prend les minutes de qui? Non, mais il y a la queue, hein. Il y a la queue, clairement. Sur le 4, sur le 3-4, il y a vraiment, on est vraiment bouché. C'est ça, on est blindé. On a 0 minute à lui donner. Donc, ça n'a aucun sens de signer Carmelo Anthony aujourd'hui. Non, mais ouais, puis juste, par rapport, justement, tu parlais de Mike D'Antoni, qui devait lui donner un poste en particulier, un rôle à Houston. Il le voulait clairement, hein. Ils l'ont dit, ils l'avaient dit à l'époque, parce que je suis un peu l'actualité des Rockets, et en particulier même celle de Melo, parce que c'est un joueur que j'aime bien. Et il le voulait en tant que joueur un peu catch and shoot, et surtout quelqu'un qui va prendre des tirs à l'extérieur, à 3 points notamment. Donc ça se voit sur ses stats, hein. Sur ses stats, là, sur Houston, on voit par exemple qu'il tourne à 30 minutes de jeu par match, et qu'il tourne à seulement 0,8 ballon perdu par match, ce qui est quand même inhabituel du Carmelo Anthony qu'on connaît, qui est celui qui touche beaucoup la balle et qui du coup par conséquent en perd beaucoup. C'est quand même un joueur ça lui est arrivé sur des saisons de tourner à 3-4 pertes de balles par saison, et là il n'en est même pas à une sur 30 minutes, et on voit qu'il tire beaucoup à 3 points du coup, ce qui lui était demandé, 6,4 3 points par match pour une efficacité à 32,8%. Écoutez, et puis bon, sans compter le fait que ça s'est écroulé de son côté niveau efficacité au lancer franc, 68%. Enfin bref, tout ça pour dire que Mike D'Antoni le voulait pour faire quelque chose et il n'a pas réussi cette dite chose. Du coup, comme tu disais, si Mike D'Antoni n'a pas réussi à faire fonctionner Carmelo Anthony, je vois pas ce que Walton pourrait en faire, quoi, tout simplement. Le but c'est pas de recruter les amis de LeBron James pour recruter les amis de LeBron James, quoi. Il faut qu'ils nous servent quand même à quelque chose. On devra donc se débrouiller sans Melo sur les semaines à venir. Enfin, quel dommage. Est-ce que on revient sur ces semaines passées, justement, ces deux dernières semaines, vu que ça a pas mal bougé au niveau de la franchise, on est parti? Allez. Alors. Donc, 2 victoires, 5 défaites, et pour seule grosse réussite d'avoir attiré les rires et moqueries des observateurs NBA. C'était le constat qu'on pouvait faire au soir du dernier podcast. Depuis, les Lakers ont enchaîné 6 matchs, plus abordables certes, avec un calendrier, comme on l'avait dit, qui était compliqué en début de saison, et avec un excellent bilan de 5-1 sur ces confrontations. Pourtant, tout n'est pas parfait. On a un Starting Five qui est loin de donner entière satisfaction. J'avais pu en débattre avec certains sur Twitter. Et un banc, que ça désigne que ce soit les joueurs, soit ceux qui tentent de le diriger, qui retombe épisodiquement dans ses travers et les limites. On a encore pu voir Lance Stephenson tenter des mid-range contestés. C'est ici. Une vraie part de plaisir. Ouais, c'est bon, alors, Yule. Du coup, on est à 7-6, messieurs. 7-6. 7-6. Eh oui. Qui l'eût cru? On est playoffable. On est actuellement 8e et en playoff. Enfin. Si, comme le disait un célèbre premier ministre britannique, au goût prononcé pour le whisky, le cigare et à l'implantation capillaire similaire à celle du King, il n'y a qu'une réponse à la défaite et c'est la victoire. Est-ce qu'on peut se féliciter de ce que l'on voit depuis 2 semaines, monsieur? Du coup, je commence, et c'est bien si j'ai bien compris. Alors, est-ce qu'on peut se féliciter? Oui, parce que bon, 5-1, on va quand même pas cracher dans la soupe. Maintenant, est-ce qu'on peut se féliciter sur le contenu pur et dur? C'est moins sûr. On a quand même, entre guillemets, vu une équipe des Lakers qui a gagné des matchs dans lesquels elle a galéré, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas en début de saison, même la saison dernière d'ailleurs. C'était l'un de nos gros défauts, ce problème à la finition, entre guillemets, des matchs. Là, on a joué des matchs qui étaient pratiquement tous serrés, sauf la gifle qu'on s'est mangée à Toronto et la gifle qu'on a infligée aux Kings, comme quoi. Mais globalement, voilà, on a gagné les matchs, on les a pris. Des fois, ça s'est joué sur un bloc, on l'a vu cette nuit. Ça aurait pu jouer aussi en notre défaveur sur plusieurs séries de lancers francs du père LeBron. On l'a vu aussi, mais enfin bon, on va en reparler. Enfin, toujours est-il que, ouais, on peut être content. Je sais pas ce que t'en penses, Adri, mais pour moi, ça va. Ah oui, moi, je retiens avant tout le bilan, c'est ça. En fait, comme maintenant, on est playoffable et on prend quand même 5 victoires sur 6, dont 2 victoires à l'extérieur qui étaient fondamentales. Pour le symbole, tu vois, même on s'en fout du contenu pour l'instant. Sur le symbole, gagner à Portland et mettre fin à la série de défaites contre Portland, c'est ouais, pas mal. C'est clair. Et de gifler les Kings chez eux. Alors, c'est ça, toujours c'est bon, hein. Absolument parfait, quoi. Après, je trouve que dans le contenu, moi, il y a beaucoup de paradoxes, en fait, dans cette équipe-là. Et peut-être qu'on reparlera du starting five par rapport au banc. Mais déjà, le premier paradoxe, c'est que ce qu'on disait sur les premiers matchs, c'est que cette équipe défendait très, très, très mal et attaquait plutôt bien. Et c'était clairement perfectible en attaque, mais au niveau d'efficacité, on faisait partie des meilleurs de la ligue. Et là, sur ces 6 derniers matchs, ça s'est totalement inversé. On est 21e à l'offensive rating, et par contre, on est 4e, je suis le premier surpris, 4e au defensive rating sur les... J'ai du mal à y croire, même. Ouais, moi aussi, sur les 6 matchs. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quoi... Je sais vraiment pas encore à quoi m'attendre de cette équipe-là. Parce que au niveau de la défense, on se prend parfois quand même des runs assez immondes. Ouais. Parce que tu vois, on parle de matchs serrés, ok, mais on se les rend très compliqués. Il y en a au moins 3. Ah mais oui. Il y en a 3 qu'on se rend très très très compliqués, genre les Mavericks. Jamais on doit avoir une fin serrée comme celle-là. Portland, tu massacres une avance de 20 points. Les Wolves aussi, à un moment donné, t'es à 8 points à quelques minutes de la fin, et à nouveau, c'est ultra serré. Et on va même dire que... Les Hawks avaient une avance de 14-15 points, je crois, à la fin du troisième quart-temps. Les Hawks, à la fin du troisième, on aurait dû les tuer, normalement. Et tu te fais remonter... Et tu remarqueras que c'est pour ça que c'est très surprenant au niveau de la défense, c'est qu'à chaque fois, c'est... un acteur, un mec qui prend feu, un arrière adverse qui prend feu. Trae Young qui nous met carton. Tu as, importante, c'est McCollum aussi qui prend feu. Derrick Rose pour les Wolves. Bref, c'est assez. Sacré Derrick Rose. Oui, c'est vrai qu'on a quand même donné le record. Non, je dis n'importe quoi. On n'a pas donné le record en carrière à Derrick Rose. Sur les non, au niveau non, des 3 points, ouais. Au niveau des 3 points, ouais, c'est ça. Mais ouais. Ouais, bah, je sais pas ce que t'en penses. Il fait 7 sur 8? Il fait 7 sur 8, hein? Ouais, il fait 7 sur 8, ouais. J'avais jamais vu, j'aurais même pas cru que c'était possible, quoi, de la part de Derrick Rose. Mais comme quoi. C'est ce que tu disais, Nas. Donc, là, finalement, contrairement au premier match qu'on a pu jouer, aux 7 premiers matchs qu'on a pu jouer, finalement, on arrive à remporter ces matchs. On serre le cul jusqu'au bout, on arrive à remporter ces matchs. Mais comme le disait Adrien, on se fait rejoindre, mais constamment. Tu ne peux pas passer une soirée tranquille en étant fan des Lakers. Non, il n'y a pas eu de match un peu, voilà, un peu fleuve tranquille où tu prends une avance assez confortable dans le deuxième quart-temps, tu la maintiens sur le troisième et puis tu voilà, dans le crunch time, tu la bloques pas, quoi, en fait, tout simplement. Nous, non, on connaît pas encore ce bonheur-là qu'on est fan, par exemple, des Warriors, ou des fans des Bucks, ou les fans donc, de Toronto. Sur le quatrième quart-temps, j'ai les stats sous les yeux, c'est moins 9,4 de net rating dans le quatrième quart-temps. C'est catastrophique. Et tu remarqueras qu'il y a vraiment tout qui part en cacahuète, tu le vois dans le contenu. Comme je te dis, on est incapable de ralentir le meilleur, enfin le mec qui prend feu en face, ça on ne sait pas le faire. Et également, après en attaque, il n'y a plus rien quoi, qui se met en place. Ça se fiche, c'est ça. Il n'y a plus aucun mouvement, plus aucun système qui est tenté. Et la seule fois où on en tente encore un petit peu, c'est face aux Kings. Et comme par hasard, ça marche. Donc c'est une équipe paradoxale. Mais j'ai aussi l'impression quand même qu'il y a beaucoup de crispation en fait, qui s'installe dans l'équipe quand il commence à se faire remonter dans le quatrième quart-temps. Sur l'attaque notamment, c'est vraiment dans ces moments-là que tu les vois dans le dur et que tu vois qu'en fait, il y a vraiment pas de solution. Et puis alors, à moins que t'aies Kuzma qui rentre 2-3 tirs un peu en mode hero ball sur des tirs un peu contestés, donc quand il est servi par Rondo ou par Lonzo ou même par LeBron, tu vois qu'en fait, niveau solution, c'est vraiment pas ça. Et on n'a pas, cet instinct pour aller tuer le match. Et tu parlais du net rating en quatrième quart-temps, c'est quand même assez inadmissible quand t'as un mec comme LeBron James dans ton équipe. Surtout qu'en plus, le quatrième quart-temps, il en joue quand même des bonnes parties. Général. Ouais, en parlant de LeBron James, je suis content que tu le soulèves. Alors, je ne critiquerai pas LeBron James publiquement toute cette année, et ça ne va pas commencer ce soir. Mais j'ai l'impression qu'il est encore, il joue encore au ralenti. Ouais. Et même, tu vois, même dans les fins, parfois de matchs serrés. Pour moi, je le vois, il joue au ralenti ou avec le frein à main dans le fait que, au lieu d'attaquer en permanence la peinture, surtout tu vois ça face aux Hawks, tu vois ça face aux Kings, il préfère, tu vois, s'écarter, prendre son petit fade away, son step back 3 points, tu vois, un truc où il est pas trop où il se fatigue pas trop. À mon avis, il est pas encore dedans, tu vois, dans le mode tueur de carton, alors que ses stats en la matière sont normalement très très très très honnêtes. Mais là, tu vois quand même qu'il fiche ses lancers francs aussi, surtout. Mais ça c'est quand même assez inadmissible, tu vois. À un certain défense, t'as pas l'impression qu'il step up non plus, hein. Ah ouais, non. C'était prévu. Mais enfin, ça commence à faire quand même beaucoup sur la liste, tu vois. Moi, LeBron James, pareil, énormément de respect. Très content sur notre franchise player, et le but c'est pas de faire un podcast pour le démonter, parce que je pense pas que ce soit le problème numéro 1 de l'équipe, loin de là. Quand tu reprends quand même ces stats au lancer franc, tout à l'heure on parlait un peu en privé, tu vois que sur le quatrième carton, 74%, c'est pas terrible, ça reste honnête pour du LeBron James, mais tu vois que quand tu commences à te rapprocher de la fin du match, et là où les cartons commencent à compter le plus, tu vois que sur les 5 dernières minutes, il est plus qu'à 58% au lancer. Dans la dernière minutes à 44% et sur les 30 dernières secondes à 38%. Le problème dans cette situation, c'est que LeBron est notre go-to guy quand on a une possession de fin de match où on mène ou on ne mène pas forcément d'ailleurs, à qui on va donner la balle sur la remise en jeu. C'est LeBron qui prend la balle tout le temps, quasiment tout le temps. Alors qu'on a des tireurs de lancer qui sont meilleurs que lui. Kuzma les tire mieux que lui, Josh Hart les tire mieux que lui, Ingram et Lonzo pas forcément. Mais enfin, on a quand même deux solutions et on la donne quand même à LeBron alors qu'on sait qu'il a un gros problème à ce niveau-là. Alors peut-être que c'est par respect ou sur des consignes de Walton on la lui donne, mais enfin si c'est des consignes de Walton, les donner à un mec qui est en moyenne à 40% quand ça commence à serrer, je sais pas si c'est une bonne idée les gars, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait j'ai toujours du mal à déterminer l'impact des lancers francs sur la destinée d'un match et comment tu peux prévoir que ce mec là va s'effondrer ou non à la fin du non mais ça fait beaucoup quand même Madrid, il y a une tendance qui se dessine sur les fins de match dans le money time où il est vraiment très très très mauvais au lancer franc. Mais après, est-ce que tu peux te permettre à l'heure actuelle de dire ok, on enlève la main de LeBron James dans les deux dernières minutes? Ça me semble un peu compliqué. Non, c'est sûr. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, enfin plutôt j'ai un point d'interrogation sur notre incapacité à finir au cercle. On a beaucoup de joueurs qui sont un peu dans le dur, et LeBron me semble un peu dans le dur aussi à ce niveau-là. Les meneurs, n'en parlons pas, que ce soit Rondo ou Lonzo, c'est très très très compliqué. Ingram aussi, c'est pas exceptionnel. KCP non plus. Stephenson, parfois il fait un peu n'importe quoi. Donc du coup, ça te donne pas beaucoup de cas qui s'en sortent à part Kuzma, McGee, mais uniquement quand il a le dunk ouvert. Et donc tu vois, donc quand t'as un système de jeu statique, y a plus rien qui se met en place, que t'as du hero ball et que tes mecs qui font du hero ball qui sont censés donc aller au cercle, ils sont pas hyper efficaces. Ça fait des tirs casse-croûte et un régal pour la défense adverse. ça. Oui, puis ça fait aussi... Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie, vas-y. Non, puis ça fait aussi beaucoup de frayeur. Moi, en fait, c'était pas vraiment pour accabler LeBron que je parlais des lancers. Mais enfin, on parlait, nous, là, de cette difficulté qu'on a à se faciliter la tâche. Donc, tu l'as dit, par exemple, on a des gros problèmes pour pénétrer, pour voilà, attaquer le panier, etc., et attaquer le cercle. Ce genre de problème-là, si on avait un espèce de killer, entre guillemets, au lancer franc, on aurait déjà un peu moins de soucis à se faire. Il y a eu des matchs où, sincèrement, ils auraient pu nous glisser comme ça entre les doigts. Je veux dire, les Hawks, s'il n'y avait pas eu Kuzma au rebond offensif, on l'aurait probablement perdu le match, parce qu'on était derrière, pour le coup. On était derrière et il rate un ou deux lancers, j'ai plus souvenir exactement. Donc voilà, donc t'as pas de solution pour attaquer le cercle correctement en fin de match. Tu vas avoir des lancers à tirer, parce que t'en as forcément quand les matchs sont serrés. Tu les mets pas. Ça fait voilà beaucoup de facteurs et globalement voilà ça rend la tâche vraiment ardue quoi. Du coup messieurs, est-ce qu'on peut peut-être se focaliser un peu plus sur un seul joueur? Là on a parlé de l'ensemble de ces joueurs, de la dynamique des équipes. Et non, cher auditeur, on va pas parler encore de Kyle Kuzma, ça on laisse ça sur Twitter, on en rediscutera un peu plus tard. Je lâche la lien. Mais on va parler de Lonzo. Ouais. Lonzo qui est revenu dans le 5 après la suspension de Rajon Rondo et qui a un bilan mitigé. Messieurs, qui c'est qui veut commencer à parler sur le cas de Lonzo? Adri, je te laisse la main. C'est dur. Moi, je suis encore une fois plutôt très très indulgent avec lui, peut-être un peu trop, alors que c'est vrai qu'il y a des motifs légitimes d'inquiétude avec lui. Mais moi, je suis quand même satisfait de ce qu'il arrive à produire quand enfin les conditions sont réunies pour que son jeu puisse s'exprimer. Ce qui est finalement assez rare, et ce qui est assez rare dans le line-up du starting five actuel, et de jouer aux côtés de LeBron James. Donc j'ai envie de dissocier ses soucis en attaque de ses soucis en défense. Mais en attaque, pour commencer, je reprenais cette réflexion qui était très bonne de Laker Film Room, qui disait que le problème de Lonzo à côté de LeBron James, c'est que c'est pas le fait qu'on lui enlève la balle des mains et qu'il joue comme un shooting guard à côté de LeBron. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que à côté de LeBron, au lieu d'être un deuxième créateur, il devient un 3&D. Et ce rôle-là, non seulement il est doublement impactant négativement pour lui, d'une part parce que ça l'oblige ça l'expose sur le tir. C'est-à-dire que les soirs où il n'est pas en confiance avec son tir, tout le monde va dire il est nul, il a tout raté, et tu auras l'impression qu'il a fait un très très mauvais match. Et surtout, tu te prives de ses qualités d'accélérateur de jeu et de ses capacités exceptionnelles à créer des équilibres sur une passe ultra rapide. Le nombre de passes qu'il fait, ou juste en une touche, il serre l'intérieur au dunk, c'est assez hallucinant de vitesse d'exécution et de vista et de beauté. Et ce genre d'action là, on s'en prive beaucoup, je trouve, quand il est à côté de LeBron James. Donc je reviens sur ce que je disais dans le premier pod au niveau de l'attaque. Finalement, là, celui qui a le plus de mal actuellement à s'habituer au jeu de LeBron James, c'est pas Ingram, maintenant c'est clairement Lonzo Ball. Et c'est à mon avis au coaching staff de trouver très rapidement des solutions pour qu'on retrouve le Lonzo. Je vais même pas dire le Lonzo qu'on voyait à UCLA, mais ne serait-ce que le Lonzo que l'on voyait l'année dernière quand c'était lui qui était en charge de l'animation offensive. Moi je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. C'est vrai que on l'a quand même vu par éclat, tu vois, qu'il est, toujours capable, il y a toujours cette vista, hein, il l'a pas perdu cet été, là, cette fameuse vision du jeu, cette intelligence de placement, etc. Et surtout la justeté, en fait, la justesse et la propreté à la passe. On l'a vu, par exemple, cette nuit contre les Hawks, il finit à 11 passes décisives, et sur les 11 passes décisives, il n'y en a pas beaucoup qui étaient des passes faciles. On a vu, par exemple, qu'il a un peu changé son jeu, j'ai l'impression, au niveau de la passe, ou peut-être qu'on lui a été, entre guillemets, intimé de jouer différemment. Je l'ai vu, justement, pour parler de LeBron James, échanger pas mal la balle avec LeBron, et essayer de le chercher. En transition, on l'a vu la donner à LeBron, on l'a vu la donner à LeBron avant et après après certains écrans, etc. C'est vrai que là, cette nuit, il a sorti vraiment une palette de passes qui était absolument incroyable. Entre le lob pour Chandler, qui était vraiment parfait, la petite passe à la récupération, en dessous du panier pour Maggie, pour le dunk, etc. Il y a eu quand même des bons éclats. Comme tu disais, le souci par rapport à tout ça, c'est que quand il est en délicatesse à la passe, et qu'il en fait pas assez ou pas assez bien, le problème c'est que derrière il a pas ce shoot là, en tout cas encore aujourd'hui, qui lui permet, entre guillemets, de faire fermer des gueules, excusez-moi ma vulgarité, arrêter, mais voilà, qui le permettre entre guillemets de le réhabiliter par rapport à tout ça. Le souci, c'est que là aujourd'hui, quand tu le compares avec ceux aux qui les gens le comparent, c'est-à-dire par exemple De'Aaron Fox, ouais, non mais on est bien d'accord. Mais enfin, bon, c'est de la comparaison, voilà, elle est là. Tu te rends compte quand même que De'Aaron Fox, il va mettre les tirs. C'est quand même un constat. En tout cas, à la début de saison, il les met. L'année dernière, il ne les mettait pas, mais début de saison, là, il les met. Je sais pas si c'est dû à un calendrier très facile des Kings. Oui, oui, non, mais on est d'accord. On est bien d'accord. Mais là, dans l'absolu, il les met. Lonzo, le souci, c'est que là, pour l'instant, il tire quasiment 4-3 points. Et quand ça rentre, ok, ça enfile, ça enchaîne, c'est bien. Quand ça rentre pas, c'est pas bon. Et là, qu'est-ce que tu veux faire? Quand il te sort un match à 3 passes décisives environ, quelques ballon perdu, voilà, une défense entre guillemets moyenne, pas forcément de style, même pas forcément d'assise défensive tout court en 1 contre 1, et que derrière il finit à 4 points avec un 2 sur 7 au tir et un 0 sur 5 à 3 points, qu'est-ce que tu peux dire en fait? Qu'est-ce que tu peux dire franchement? C'est, voilà. Moi je vais rajouter une difficulté que je lui vois dans le roster actuel des Lakers, c'est que c'est par rapport au pivot. En fait, il a deux pivots qui sont traditionnels et qui aiment bien poser un écran avec contact, que ce soit Magui ou Chandler. Et mine de rien, il est pas vraiment habitué à jouer ce type de pick and roll là, où quand tu as ce pivot qui fait le contact au lieu de slip l'écran, ça lui laisse globalement souvent ça lui laisse comme option le tir en mid-range ou alors attaquer le cercle. Et le problème, c'est que ce sont deux tirs qui n'est absolument pas dans son arsenal actuellement. Ouais. Il est toujours en délicatesse avec sa finition. Ça, c'est vraiment, moi, c'est vraiment mon souci principal avec lui. Et le fait qu'on a dès que tu romps un petit peu ce schéma là et qu'on retrouve, tu vois, ce pick and roll où le big va slip l'écran et ça va lui permettre d'accélérer le jeu en kickant sur l'aile, puis après lui-même en revenant sur l'aile, puis en permutant et en réaccélérant sur notre passe avec un renversement de jeu, ça c'est son jeu à lui. Et la manière dont on joue le pick and roll actuellement, c'est pas fait pour qu'il s'exprime à fond. Moi, c'est une piste si tu veux que je lance. Donc moi, je m'interroge sur le fait de, pour qu'on retrouve le Lonzo qui était le Lonzo l'année dernière, est-ce qu'on ne devrait pas lui refaire un line-up spécialement pour lui, tu vois, avec alors c'est vrai qu'il faudrait un 5 qui soit autre que Magui et Chandler, mais en tout cas clairement, tu vois, avec Ingram, Kuzma, Hart et un cinquième mobile pour retrouver, tu vois, un 5 qui va jouer beaucoup à l'énergie en attaque, beaucoup sur des déplacements et qui aime bien shooter. Moi, c'est une interrogation et un truc que j'aimerais bien revoir, parce que c'est dommage que les gens se focalisent sur le fait que gna gna, il tire pas, gna gna, les productions, gna gna. Regardez les séquences où on retrouve ça. Si vous devez regarder ça, et pourtant les gens vont dire que c'est pas son meilleur match, mais regardez son troisième carton contre les Kings. C'est, et notamment à ce que je viens de dire là, à 6 minutes 12 même du troisième carton, c'est ça le Lonzo qu'on voyait l'année dernière, et il suffit juste de lui redonner un petit peu un line-up adapté et on pourra à nouveau capitaliser sur son talent. Ouais, et puis ce rôle que vous disiez de premier shooter, parce que comme j'avais pu le citer à un moment donné, Lonzo en fait était le seul catch and shooter efficace à 3 points dans le 5. Et donc évidemment que quand t'as LeBron qui a la balle dans la main, si te font un catch and shooter, ça va tomber sur Lonzo. Rajoute un vrai arrière avec Josh Hart par exemple, j'en reviens sur mon 5, mais rajouter Josh Hart permettrait à Lonzo justement de se sortir de ce rôle de free and D comme tu disais, et de retrouver un peu un rôle de second créateur, parce que je pense qu'on a, comme tu disais, il est beaucoup plus efficace dans ce rôle là on a l'effectif pour le faire, mais je pense qu'on n'est pas, on met pas la bonne line-up pour lui permettre d'exploiter ne serait-ce qu'un minimum de son talent. Il faut, ouais. Tu vois, il faut, là où il s'exprime, c'est quand tu as des micros espaces qui sont créés avec un peu de mouvement ou une passe rapide. Et sur le jeu placé tel qu'on le pratique aujourd'hui, c'est pas là où on arrive à le faire. Regarde à nouveau les passes qu'il fait hier contre Atlanta, et c'est éloquent. Hein. C'est juste, tu fais payer le moindre espace laissé par la défense. Mais c'est soit de la transition, soit du early offense, soit sur une séquence un peu bizarre, où d'un coup tu vois la défense adverse s'est écroulée, mais c'est pas sur du pick and roll classique. Ouais, et puis en plus il est assez bon sur le drive and kick, globalement il arrive à repérer les joueurs libres, etc. Il est fantastique sur le drive and kick. On aurait pu s'imaginer s'il avait même un grand capable de pop, plutôt que de rôle à chaque fois, créer vraiment des vrais problèmes, quoi. Genre, à la défense adverse. Par exemple, genre Brook Lopez, voilà. Genre Brook Lopez, oui. Absolument, absolument. Donc, c'est sûr qu'un popper l'aiderait beaucoup, à mon avis, déjà, parce que je pense qu'il empilait un paquet d'assists, hein, grâce à Brook Lopez, sans revenir forcément toujours au stade, mais il l'aidait beaucoup. Et puis, là, je pense qu'on paye un peu notre problème de spacing, hein, pour le coup, vis-à-vis de Lonzo. Parce que Lonzo, lui, c'est quand il a de l'espace, comme tu disais, et des petits espaces qu'il excelle, véritablement. Et là, tu l'incites à attaquer le cercle dans le trafic et ça marche pas pour l'instant. Et c'est ce qu'il sait le moins le faire en plus. C'est ce qu'il sait vraiment le moins bien faire. C'est dommage. Cela dit, malgré les soirs sans et vraiment sans où il peut te lâcher 6 briques à 3 points et 2 airballs, mine de rien, il est à 36% à 3 points. Ça reste dans la. Oui, ça reste honorable. Plus convenable que l'année dernière à 3 points en tout cas. Absolument. Et puis, oui, vas-y. Personne ne relève les pourcentages à 3 points de Kyle Kuzma, mais voilà, faites, allez-y. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair que Lonzo, 36%, en tirant quand même 4,5 par match, c'est quand même honnête, quoi. C'est pas ouf, mais c'est honnête. Et puis tu vois quand même qu'à la passe, il tourne toujours voilà, à 5 passes décisives, en jouant très peu, parce qu'il faut quand même avouer à sa décharge qu'il ne joue pas les 4e tiers-temps. Et ça, je pense que ça ne va pas forcément en sa faveur, tu vois. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui nous mentionnait un peu sur Twitter, on discutait un peu avec lui, enfin, ils en parlaient un peu entre eux, du fait que c'est bien qu'il ait Rondo comme concurrent direct pour l'aider à élever son niveau de jeu, pour entre guillemets le pousser à faire mieux. Moi, là, tout ce que je vois aujourd'hui, c'est pas que Rondo tire Lonzo vers le haut. Tout ce que je vois, c'est que Rondo graille les minutes de Lonzo, surtout dans les sur la quatrième carton. Et pas forcément, justement, d'ailleurs. En tout cas, à mon humble avis, tu vois. Du coup, c'est un problème. Hein. Ça, c'est un problème. Alors, je sais pas s'il est fatigué, s'il est blessé. J'arrive pas à comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles, des fois, tu le vois jouer 21 minutes sur un match entier. Mais c'est un problème, clairement. Ah, moi, je suis d'accord sur le constat avec Rondo. C'est pas une concurrence saine. Et c'est pas dans le sens où c'est pas une concurrence qui lui fait du bien. Alors, absolument pas. Qu'on me comprenne bien, je suis pas ici pour bâcher Rajon Rondo. On est dans une maintenant un objectif du win now pour LeBron James, c'est évident. Donc si Rajon Rondo nous aide à gagner des matchs plus que Lonzo, c'est d'accord, il faut que Rajon Rondo soit sur le terrain. Mais le fait est que lui-même n'est pas non plus extrêmement irréprochable, hein. Non, c'est sûr. Hier par exemple, hier c'est toute la second unit mais et Rondo dedans qui font n'importe quoi et qui te plombe le début du quatrième carton. Et puis Rondo de l'autre côté du terrain, il t'en coûte pas mal aussi des points. Ouais, c'est sûr. Mal, hein. Bah en fait en réalité là sur le match contre les Hawks par exemple, pour que tu reviennes dessus, tous les runs qu'on s'est mangés hormis le tout premier du match où on démarre à 0-9. En fait, on se les a mangés avec la seconde unité hein, quand il y avait Rondo sur le terrain. Je sais pas. C'est pour ça que c'est quand même oui. Et tu vois, et quand Lonzo ne joue pas le quatrième carton, je dirais que c'est même pas sa faute à lui. C'est juste qu'il est victime du contexte du match. C'est-à-dire que quand la seconde unité avec donc menée par Rajon Rondo fait un bon run, donc il y a le momentum qui est avec le banc et Walton dit, bah, si je peux comprendre le choix de Walton, dit bon ben on va continuer avec les gars qui ont créé le momentum et qui sont bien chauds et c'est avec eux qu'on va finir le match. Mais c'est pas parce que l'autre sous-performe, c'est juste parce que il est pas dans le bon line-up au bon moment. Et puis même, ouais, c'est sûr. Puis tu parlais de stats brutes, il tourne voilà à peu près 5 passes décisives, 4,9 par match et seulement 1,6 ballons perdus. Ça reste quand même hyper honorable. Je veux dire pour un mec qui joue pas beaucoup et tout ça, ça reste très très propre, tu vois. Ouais, en 25 bon. Minutes. Non, mais c'est tu vois, ouais. C'est supposé être ton meneur du futur, tu vois, ton leader de ouais, 25 minutes. C'est ce que tu lui donnes. Ouais, 25 minutes. Non, mais oui, moi, c'est vraiment un sujet qui me taraude un petit peu. L'année dernière, il jouait 34 minutes quand même par match. Là, il en perd 9. Je sais pas ce qui s'est passé. Je le trouve pas moins bon que l'année dernière. Au contraire, je trouve qu'il progresse, moi. Donc, je sais pas. Après, il y a la défense. Offensivement, j'allais dire, il a forcément progressé par rapport à l'année dernière. Mais défensivement, il a régressé un petit peu, oui. Ouais, il est dans le dur. Plus qu'un petit peu, il fait des séquences intéressantes et même en début de saison, surtout quand il est revenu, qu'il avait sa place à trouver. Mais en tout cas, au niveau des stats avancées, c'est pas très très glorieux cette saison pour Lonzo. Hein. Et alors là aussi, ça va certainement bouger dans le futur, mais pour le moment, ouais. si tu fais si tu pas ouais quand tu vois par exemple une stat ouais, comme le PIPM et le defensive PIPM là où il était élite l'an passé limite c'était le meilleur meneur dans la catégorie là cette année non là cette année il s'effondre et alors là encore une fois c'est comme en attaque je vais émettre l'hypothèse que d'avoir des pivots qui ne sont pas capables de switch ça leur handicape beaucoup sur le pick and roll. C'est pas un truc sur lequel il a il acceptait volontiers le switch et là où je le trouve toujours très bon en défense c'est quand ça c'est sur les rotations il est souvent très très dynamique sur les permutations et sur vite couvrir un autre gars et là quand il doit passer sous l'écran ou sur l'écran il, je sais pas je le sens un peu moins ouais un peu moins tranchant un peu moins confiant souvent débordé c'est bah, c'est pas ça c'est pas son kiff hein. Non cela dit il a quand même plus main pour switcher. mon dieu, c'est une... aïe, aïe, aïe. Ça, ouais, ça c'est effrayant. Ah oui, et un point comme sur la défense, parce que voilà, j'entends, et surtout des Mongoliens là, qui suivent les Sacramento, là, qui disent D'Aaron Fox est encore enfoncé Lonzo Ball. Regardez le match hier, il ne score que 2 points sur Lonzo. Sur la vingtaine ou les 18 points que score D'Aaron Fox, il n'y en score que 2 dessus, et encore la défense est bonne, parce qu'il reste en passe et que Fox sort un très très gros tir avec la planche. Donc voilà. Mais les gens regardent pas les matchs, hein. La majorité des gens qui suivent sur Lonzo, je l'ai quand même remarqué, regardent pas les matchs, que ce soit les fans des Lakers qui suivent sur Lonzo ou que ce soit les fans d'autres équipes qui suivent sur Lonzo, la plupart ne le regardent pas jouer sincèrement, il suffit de le regarder jouer quand même pour te rendre compte que c'est quand même un prodige, tu le vois sur chacune de ses prises de balle et même en défense, tu sens quand même qu'il a voilà ce coffre et bon, cette saison c'est pas encore ça, mais enfin on l'a vu l'année dernière, il est capable de faire de grandes choses et moi j'ai pas de doute sur le fait qu'il revienne là sur cette saison. C'est pas Kuzma quoi. Kuzma, tu sais qu'il va souffrir voilà, au périmètre. C'est ça. C'est ça. Tu sais que ça sera une boucherie. À chaque fois, tu sais que ça sera une boucherie. On va pas trop parler sur Kuzma parce qu'après, on va dire que tu l'enfonces. Ouais, mais j'ai recherché un commentaire là sur Twitter. Ouais, qui disait que Lonzo était surcoté et qu'il faisait des passes qui étaient trop basiques. Quoi. Ouais, je l'ai vu celui-là. J'ai pas voulu répondre parce que bon surtout qu'en plus sur l'extrait que j'ai posté là sur les actions de Lonzo d'aujourd'hui, il y en avait pas beaucoup qui étaient faciles. Franchement, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient faciles. Sur les 11 assists, on en voit probablement 8 ou 9 là dans la vidéo, dans l'extrait vidéo. D'Aaron Fox, il est pas capable d'en sortir la moitié, hein, de ces passes là. Je préfère le dire quand même parce que c'est évident mais il faut quand même le rappeler. Enfin bref. Regardez la création de D'Aaron Fox contre les Lakers. Hein. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Et puis là, je pense qu'il a aussi pas mal bénéficié de Kings en pleine. Bon, bref, on va arrêter de faire les haters et on passe au sujet suivant éventuellement. On passe sur la suite. On part sur les pronostics, messieurs. Allez. Est-ce que quelqu'un a le bilan de la semaine dernière? Comment ça s'est passé? J'ai pas suivi. Oui, je l'ai le bilan. Je l'ai. Alors Nas et moi-même, nous sommes excellents dans les résultats. Nous avons 5 points. Ouais. Et alors l'autre, je sais plus comment il a fait. Donc on rappelle, vous avez fait 4, il reste convenable. Et ça fait, ouais, moi j'avais parié sur un 5-1, et finalement le 5-1 est passé sur tous les matchs que j'avais prédit. Donc oui, ça fait Clément voilà. Qui fait donc le jackpot, 6 points, et suivi de Nas et moi-même, 5. Ouais, 5 points, effectivement. Et là donc on repart sur 6 matchs. C'est ça. Allez, c'est parti. On sort la feuille. Tic-tac-toc. Oui. Hop là. Qui veut commencer? Portland. Ouais, réception Portland. À la maison. À la maison. Pour moi, on va le gagner celui-là. Adrien. Allez, on le perd. On le gagne. Allez, on le gagne. Allez, comme ça, la dynamique, la quatrième victoire d'affilée, ce serait cool. Ensuite, à Orlando. Ouais, match bizarre. On le gagne pas celui-là. Tac. On le gagne. On le gagne. Allez. Ah, je suis vachement plus. Les divergences, c'est parti. À Miami. Oh, on va les soulever à Miami, je pense. Pour moi. Adrien. On le perd. Ah, on le perd aussi. Oh, putain. Ok. Énorme écart en fin de semaine prochaine, je pense. Ouais. Je prends juste les choix inverses de Nas, tu vois. C'est qui tout double. Eh ben, super. Ensuite, déplacement à Cleveland. Chez Jordan Clarkson. Non, on gagne quand même. Non, on gagne celui-là quand même. Allez, on gagne. Non, il faut se respecter là, quand même. Ouais. On va voir qu'on va le perdre, on va se faire soulever dans les commentaires. Il en reste encore un. Ah, il en reste deux encore. Utah. Deux. Ah putain. Ah, victoire parce que c'est personnel. Utah. Tu le sais. Flash de Tantexum. Allez, moi je dis victoire aussi pour Utah. Victoire aussi. Et après, réception de Orlando. La victoire. Ok. Ah, ce sera un dimanche en plus à 9h30 pour une fois. Celui-ci. J'ai refait un 5-1, c'est incroyable. Mais c'est clair, je regarde ça. Ouais, mais remarque, Nas aussi. Hein. Ouais, moi aussi. 4-2 pour Adrien et 5-1 pour Nas. Ouais. Bon, on rendez-vous dans 2 semaines pour voir qui c'est qui s'en approche le plus. C'est ça, hein. C'est ça. Messieurs, on finit rapidement avec un top flop. Allez. Qui veut commencer par les tops? Bah allez, le top, je démarre. Bah Tyson Chandler, allez, hop, comme ça c'est dit, comme ça c'est fait. Non, franchement, à part ça, un petit mot, très content de son début. Comme l'a dit Adrien sur le compte, et même on en parlait un peu entre nous, faut pas oublier qu'au périmètre, voilà, c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, pour ce qu'il a fait jusqu'ici, en fait, j'en attendais même pas le quart, honnêtement. Donc, je suis assez bluffé. Pourvu que ça continue, pourvu que ça dure. En fait, faut quand même signaler quand même que c'est un joueur qui tourne avec nous à 40% hein, au field goal percentage et il y a 25% au lancer franc. Oui, ouais. Non, mais il y a une petite marge de progression malgré tout. Hein. Non, mais oui, carrément. Ça allait être un point mort, mais défensivement, il fournit un peu plus que ce qu'on était en droit d'attendre. Puis c'est un gros bon offensif cette nuit quand même. Hein. C'est un gros bon point offensif, ouais. C'est quand même pas mal. Bon, c'est sa spécialité. Et j'ai oublié 2,3 aussi turnover par match. Hein. C'est pas mal. Ça, c'est quand même assez horrible. Il te fait l'intégrale des fautes offensives. T'as tout. Hein. Je te pousse, écran illégal. C'est comme ça. Hein. C'est tout package, hein, malheureusement. Seconde. Il n'y a pas de seconde. Adrien. J'en ai pas. Je sais pas de quoi ça veut dire comme top. Tu m'as pris Chandler, c'est le seul aussi que j'aurais. On avait parlé sur Chandler en fait. Ça, qu'est-ce que tu veux dire sur le reste? Le top, ouais, c'est le bilan. Voilà, c'est tout. Ouais, le bilan, ouais. Ah, bah, Josh Hart, sinon pour moi aussi, on le jouerait. Allez, top, hein. Pardon. Josh Hart. je dis juste le bilan collectif. J'ai vraiment pas une individualité à sortir de cette semaine. Non, mais ce qui est quand même assez marrant avec Josh Hart, c'est que depuis qu'on l'a récupéré la saison dernière, le mec, il était potentiellement top de chacun de nos podcasts, quoi, depuis le début de la saison, depuis le début de nos podcasts, quand même. Ouais. Donc c'est assez impressionnant. Sur les 6 matchs, beaucoup plus irrégulier au scoring, mais il finit ses 6 matchs avec 10 points à 47%, dont 46% à 3 points. C'est 87% lancé, voilà. Super clé, quoi. En défense, on avait pointé du doigt sa défense au périmètre qui était loin d'être exceptionnelle, donc il a toujours du taf, mais on se rapproche de quelque chose qui est un peu plus intéressant. Intéressant, je trouve. Donc, on verra pour la suite. Bah, écoute, regarde, Walton lui a fait confiance face à Trae Young. Ouais. C'est la dernière possession, il sort carrément tous ses meneurs, il dit vas-y, Josh, hein, il est pour toi. Les flops, messieurs, qui veut commencer? Merci. Ouais. Alors, écoute, je vais vous faire encore un choix bien merdique, mais je vais mettre un flop à Magic pour ne pas avoir forcé Luke Walton à engager de nouveaux assistants. Parce que on pouvait dire que ça allait mieux après les matchs des Kings, mais vu ce qu'on a vu hier face aux Hawks, il est vraiment impératif qu'on règle cette histoire de système des deux côtés, parce que là, il faut step up. Et donc si ce staff là n'est pas capable de s'améliorer tout seul, à ce moment-là, il faut engager du monde. Donc Magic, vas-y, va au bout de tes idées et prends-nous un ou deux gars. Non, et puis c'est sûr qu'en plus, si tu arrives à mettre à mal finalement que la défense des Kings, tu vas pas aller bien loin dans cette ligue, hein. Faut quand même bien me dire. Nas? Moi, c'est dur, hein. Beaucoup de mal à choisir. J'aurais tendance à dire KCP, tu vois. Mais bon, c'est vrai qu'on l'a. C'est vrai qu'on l'a quand même pas mal. On l'a quand même pas mal taillé le bourre. Non, allez, je vais dire Lex Stephenson. Ouais, et surtout vous êtes sévère, parce que je trouve que KCP recommence un peu à rentrer ses 3 points, tu vois. Oui, au scoring dernièrement, il était pas dégueu, c'est sûr. Tu vois, borderline top de la semaine, tu vois. Borderline. Ouais. Non, mais on va dire Lance Stephenson. Alors, voilà, t'as pas beaucoup d'options. Si. Ingram, peut-être, non? Non, je vais partir sur Luke Walton. Alors, pas pour le coaching, pas pour la stratégie, etc. Comme tu as expliqué, Adrien, il n'est pas le seul responsable, mais on en a déjà parlé. Mais pour un petit fait de jeu. Donc, j'étais assigné au live tweet face à Toronto. Ah bah. Et quand tu arrives à perdre à 5 minutes de la fin, je crois qu'on était à -19. et qu'il remet les joueurs, alors que moins de 19 en 5 minutes, tu peux avoir la meilleure attaque de la ligue, ça passe pas normalement. Hein, dans ce niveau-là, si t'es pas à 6 ou 7 points derrière, c'est mort. Si, tu peux avoir les Lakers en face de toi. Oui, c'est bon, ça. Voilà. Et du coup, on avait Maurice Wagner qui attendait patiemment sur le banc, prêt à avoir ses premières minutes, et j'étais dégoûté. Même moi, alors que je suis fan de Michigan State et que lui, il est de Michigan, même moi, j'étais dégoûté de ne pas le voir au moins choper 2-3 minutes pour marquer enfin son arrivée en officiel. C'est clair. Il n'a toujours pas foulé le terrain officiel en saison régulière. Bon, voilà. En espérant que ça vienne, un de ces quatre. Ouais, puis on aurait pu mettre un flop sur toute l'équipe des Lakers qui ont encaissé le carton le plus violent de l'histoire de la franchise contre Toronto aussi. 42 points, c'est une belle performance et je tenais à les applaudir. Serge Ibaka, bravo à l'équipe. On avait Laurie et Serge Ibaka en face. Ils nous ont fait la leçon. C'est notre seul blowout pour l'instant de la saison, mais il est beau. Hein. Celui-là est. Non, par Serge Ibaka. Par Serge Ibaka. Même si le pire, c'est de te faire éclater ou si c'est de te faire éclater par Serge Ibaka, sincèrement. Je sais pas vraiment quel est le pire. Quoi. C'est même pas éclaté, il était à 100%. Je crois qu'il a raté son premier tir au bout de 12 shoots. C'est un truc comme ça. C'est incroyable. Incroyable. Serge Ibaka. Enfin bref. Bon, messieurs, un mot de la fin? Allez, un petit mot de la fin rapidement. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui nous écoutent. C'est vrai qu'on fait pas des millions de vues, mais enfin bon, pour ceux qui nous écoutent, etc., qui sont fidèles entre guillemets à notre podcast, ça nous fait toujours plaisir de les enregistrer pour vous. Et en espérant que ça continue et que nos podcasts aient toujours un peu de succès, je vais me renseigner de mon côté si c'est pas possible de les mettre sur Spotify éventuellement pour faciliter un peu tout ça. Parce que j'ai vu qu'il y a des solutions, à voir si c'est gratuit, à voir si c'est payant, comment on ferait pour financer tout ça le cas échéant. Mais en tout cas, voilà, merci à tous. Adrien. Oui, peut-être deux choses. La première, c'est regarder la G-League. si vous avez rien à faire de vos dimanches matins comateux, allez sur Facebook et regardez un petit replay de G-League uniquement pour Isaac Bonga, c'est ça, ça fait du bien. Et ensuite, il y aurait peut-être une petite actu dans la semaine sur le compte où j'aurai un questionnaire à vous faire remplir. Donc voilà, on se retrouve sur le compte pour tout ça. Et moi, je vais juste rappeler qu'on est à 7-6, on est en play-off. C'est ça. Attention Warriors, du coup. On va chercher le record. Allez les gars, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.